Le pentecôtisme est un mouvement qui a émergé au tournant des 19e et 20e siècles au sein du protestantisme nord-américain. Il met l'accent sur la conversion personnelle et l'action du Saint-Esprit. Alors, la notion de conversion, décrite par les pentecôtistes comme une nouvelle naissance, implique l'existence d'un ensemble de dispositifs de socialisation capables de produire ce que Berger et Luckmann appellent une alternation, c'est-à-dire une transformation profonde et durable de l'identité personnelle. L'action du Saint-Esprit souligne au contraire que dans l'expérience subjective des pentecôtistes, il n'y a pas d'autre dispositif de prise en charge que la relation personnelle avec Dieu. C'est Dieu qui transforme, c'est la voix du Saint-Esprit qui parle à la conscience du croyant né de nouveau. Et l'expérience fondatrice du pentecôtisme a été historiquement le parler en langue, glossolalie, c'est-à-dire un énoncé dans une langue incompréhensible, interprété comme le signe d'une visitation du Saint-Esprit, d'une communication directe et intense avec Dieu. La nouvelle naissance pentecôtiste est vécue comme immédiate au double sens du terme, parce qu'elle est associée à un événement décisif, le moment où on décide d'accepter Jésus dans son cœur. Bon, je ne vous dis pas où sont les guillemets, mais vous pouvez deviner. Mais aussi parce que, sur la longue durée, le processus d'incorporation des dispositions qui fait la nouvelle créature en Christ est subjectivement vécu comme immédiat, c'est-à-dire sans médiation visible entre le converti et Dieu. On peut voir dans ce paradigme pentecôtiste de l'immédiateté ou de l'immédiation une illustration de ce que Daniel Hervieux-Léger décrit comme un déplacement du lieu de la vérité du croire, de l'institution vers le sujet croyant. C'est l'idée que la religion ou l'Église ne compte pas. Chaque croyant est l'acteur de sa propre vie et ce qui compte vraiment, c'est l'authenticité de son expérience personnelle. Mais on peut difficilement considérer, comme l'écrit aussi Daniel Hervieux-Léger dans le même livre, La religion pour mémoire, que cette crise de la notion d'obligation religieuse conduit à la désintégration de tous les systèmes religieux du croire, autrement dit, à la disparition de l'institution. Parce que, objectivement, l'institution pentecôtiste, elle existe. Elle réalise un travail de socialisation, d'encadrement et de formation. Un travail qui a une efficacité concrète, puisque c'est précisément ce travail de l'institution qui fait de la nouvelle naissance pentecôtiste une illusion bien fondée. Et même dans les réseaux évangéliques charismatiques, où le cadre institutionnel semble disparaître au profit de liens d'interdépendance personnelle, on retrouve des mécanismes similaires qui contribuent à faire vivre les rapports d'autorité sur le mode subjectif d'une relation personnelle avec Dieu. Les mouvements pentecôtistes charismatiques sont donc un terrain d'observation privilégié pour analyser non pas la fin de l'institution, mais plutôt la reconfiguration du travail institutionnel, et en particulier ce que j'ai appelé le travail institutionnel invisible, c'est-à-dire une institution qui travaille à la fois à mettre en relation l'individu avec Dieu et à escamoter les signes de cette intervention. Alors, c'est l'une des premières choses qui m'ont frappé quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années à m'intéresser aux églises pentecôtistes dites classiques du type Assemblée de Dieu. Ce sont des églises où on vous dit que l'église ne compte pas. Des lieux où les pasteurs et la communauté sont omniprésents, notamment pour s'assurer de la mise en ordre des vies personnelles, mais où tout le monde ne parle que d'ouvrir son cœur à Jésus. Et sans doute parce que je n'ai pas moi-même de relation personnelle avec Dieu, que je n'ai jamais eu l'occasion d'entendre la voix du Saint-Esprit, ces affirmations m'ont très vite amené à m'intéresser au rôle de l'institution, en me disant que ça n'est pas simple de communiquer avec Dieu. Ça n'est pas simple de lui parler et c'est encore plus compliqué de l'entendre et de le faire agir. Alors, il y a plusieurs travaux qui ont souligné la part importante d'apprentissage, à la fois intellectuel et corporel, que ça implique. Je pense notamment à Thomas Xordas et Tania Luhrmann. Et plus globalement, cette expérience subjective d'une communication immédiate avec Dieu repose sur un ensemble de mécanismes institutionnels assez complexes. Si on prend l'histoire à ses débuts, un parcours de conversion pentecôtiste, ça commence généralement par un Dieu qui parle, une parole que l'on prend pour soi, comme celle-là, que je vous mets sur l'écran. Je vous la lis et puis j'arrêterai de lire si je vois que je dépasse le temps. Donc c'est une dame qui dit « Ce mardi soir, je me suis mise derrière, il y avait le pasteur, il a dit qu'il avait préparé quelque chose, mais que le Saint-Esprit lui a dit de changer le message prévu. Il a prêché sur le paralytique, j'avais 38 ans, la vie de cette personne correspondait à toute ma vie. C'était en 89, j'ai dit à la personne à côté de moi, mais pourquoi il raconte ma vie? Comment il peut connaître tout ce que j'ai fait? Je ne le connais pas. Elle m'a dit, c'est vrai, tu ne le connais pas, il ne te connaît pas, mais Dieu te connaît. J'avais honte d'être devant lui, avec tout ce qui a été dévoilé devant. J'ai ressenti une grande chaleur, je suis tombé à genoux, j'ai demandé pardon, j'ai reconnu que j'étais pécheresse et le pasteur a dit, c'était pour vous ce message. » On peut penser avec cet extrait que c'est la coïncidence entre un épisode biblique particulier et une situation personnelle donnée qui autorise à prendre une parole pour soi. Mais en fait, des récits même de portée très générale, comme celui de la brebis égarée, que certains connaissent déjà ici, peuvent susciter cette conviction. Donc comme, je ne sais plus si c'est un homme ou c'est une femme aussi, oui. Qui dit le message ce jour-là, c'était sur la brebis égarée. Donc c'est l'histoire de la brebis qui était perdue et que Jésus a ramenée à la bergerie. Hein. Pour ceux qui sont complètement déculturés, ça arrive. Donc c'était sur la brebis égarée et c'est comme s'il retraçait ma vie tout entière devant. J'ai pleuré, il parlait du berger qui va chercher cette brebis. Je me voyais sur ses épaules, j'avais mal. Il imitait tout, c'est comme si le film de ma vie défilait devant moi. Il faut donc s'intéresser à la fois à la manière dont l'institution pentecôtiste fait parler Dieu et aux dispositions qui inclinent les futurs convertis à entrer dans cet enchantement d'une communication personnelle avec Dieu. On sait évidemment que les relations de proximité, la famille, les amis, les collègues de travail, jouent un rôle déterminant dans l'entrée en pentecôtisme, mais surtout, ce qui prédispose à s'engager, c'est un principe paradoxal. C'est que les individus les mieux disposés à se convertir sont ceux qui, du fait d'une socialisation religieuse préalable, de circonstances particulières comme la maladie, le divorce, la migration, de leur position sociale, etc. Donc des gens qui sont convaincus que le salut est une affaire personnelle, que c'est à chacun de faire sa vie et que ce n'est pas la religion qui sauve. Il y a des situations très diverses qui peuvent amener à cette conviction, mais par ailleurs, l'idée que c'est à chacun de trouver le moyen de s'en sortir, comme on dit, que chacun, comme l'écrit Ehrenberg, y compris le plus humble et le plus fragile, doit assumer la tâche de tout choisir et de tout décider, cette idée, c'est un des fondements de la domination néolibérale, qui travaille, comme on commence à bien le savoir depuis un an, à défaire les sécurités collectives, et à transformer le destin social en un échec ou une réussite, mais qui sont toujours personnels. La recherche d'une solution qui permette de faire l'économie d'une médiation institutionnelle découle donc de parcours individuels, mais aussi de conditions sociales plus générales. Alors on a vu qu'en réponse à cette attente croyante, le pentecôtisme travaille à l'appropriation personnelle du message. Si ce qui est dit correspond à ma situation, c'est que Dieu me connaît et Dieu me parle. Il y a le registre du témoignage personnel, ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il y a la mise en scène de la guérison, qui permet de démontrer ce que Dieu peut faire à travers le corps étant compris comme la part naturelle de la personne, ce qui se laisse le moins et le moins facilement modifier, comme écrit Dominique Mémy. Il y a l'imposition des mains. Xordas dit que c'est à la fois une imitation des gestes de Jésus dans la Bible et une sorte de métonymie de la solidarité offerte par la communauté chrétienne. C'est aussi une manière de signifier qu'on touche au registre de l'intime. Et il y a les chants qui jouent un rôle très important et qui ont pour l'instant été d'ailleurs assez peu étudiés. Les chants pentecôtistes qui permettent de réaliser ce qui est dit au double sens du terme, donc se rendre compte avec précision et faire exister à titre de réalité concrète, nous dit le dictionnaire Robert. Donc voilà une citation sur les chants. Je ne me souviens plus de la prière, le pasteur a prié pour moi, je suis retourné à ma place, il y a eu un changement de chant. Prends ma main. J'avais déjà chanté ce chant, mais sans réaliser. Et j'ai vraiment réalisé les paroles, j'ai commencé à pleurer, les larmes qui ont coulé à torrent, alors que j'étais un gars très dur, je ne pleurais jamais, ça coulait de plus en plus. Ça n'était pas des larmes de douleur, c'était des larmes du fait que je venais de rencontrer le Seigneur et que j'avais vécu sans le Seigneur, malgré la religion, et pour la première fois, je l'invitais dans mon cœur. Il faudrait aussi s'intéresser en détail à la manière dont le pentecôtisme produit des images mentales sur un registre assez proche de ce que les historiens du Moyen-Âge, Bocquet et Nagy, ont décrit à propos de l'instauration du rituel de l'Eucharistie au XIIe siècle. C'est ce qu'ils appellent le réalisme eucharistique, qui est associé à un processus d'incarnation et d'affectivisation. J'ai assisté un jour à la prédication d'un pasteur pentecôtiste qui prétendait avoir reçu le don de revivre en vrai la crucifixion de Jésus. Donc il nous disait qu'il était à moins d'un mètre et que vraiment il était très bien placé, quoi. Il voyait tout de très près. Il y a un prédicateur américain aussi qui fait depuis des années le tour du monde pour raconter les 23 minutes qu'il a passées en enfer. Donc il y a un réalisme, une espèce de littéralisme pentecôtiste. Je crois que l'image la plus proche, pour vous donner une idée, c'est une espèce de version 3D du film de Mel Gibson, La Passion du Christ, mais sous forme d'image mentale, et tout ça produit l'implication personnelle qui fait entrer dans l'histoire en effaçant en même temps la médiation du récit. Et ce récit, pour résumer, c'est l'histoire d'un gars qui est mort pour moi, pour que j'ai une vie sans péché et donc sans problème, pour que je m'en sorte. Ce gars-là m'aime depuis le début et moi je lui ai tourné le dos, mais aujourd'hui il est là, il m'a vu, il me parle et si je lui ouvre mon cœur, il va m'aider. Toute cette rhétorique pentecôtiste construit ce que l'anthropologue Bernard Bouter appelle un système d'interaction complémentaire, en référence aux travaux de Batson sur les alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes, ils organisent la guérison en 12 étapes, les deux premières étant, je cite, « Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool et que nous avons perdu la maîtrise de notre vie », donc on pourrait dire un lâcher-prise dans le langage de la psychologie actuelle. Et deuxième étape, « Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison ». Le pentecôtisme suit un principe similaire, selon lequel la personne qui était engagée jusque-là dans des relations symétriques, donc dans un combat avec elle-même surtout, où elle se confrontait directement aux faiblesses de sa volonté, s'en trouve libérée par l'instauration d'une communication constante avec Dieu. Autrement dit, c'est en s'abandonnant entre ses mains qu'elle fait de Dieu un médiateur omniprésent qui va organiser le dialogue entre ce que les pentecôtistes appellent la vieille nature et la nouvelle créature. Et c'est dans ce cadre d'expérience que peut se réaliser la conciliation entre la conversion comprise comme un événement et la conversion comprise comme un processus. À travers une tension qui est constitutive de l'habitus pentecôtiste et qui tient en particulier au devoir d'exemplarité qui est assigné au converti dès sa nouvelle naissance, puisque dès son adhésion à l'église pentecôtiste, le converti doit témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Or, Dieu n'a rien fait dans sa vie à ce moment-là. Et puisqu'il est converti, il est supposé être une nouvelle personne, et même s'il n'est pas encore ce qu'il est censé être devenu, ce devoir-être tend à devenir rapidement sa vraie personnalité, en particulier aux yeux des autres membres de l'Église qui partagent une même croyance dans les effets de la conversion. Autrement dit, l'institution pentecôtiste reconnaît implicitement la continuité historique des habitus, puisque la vieille nature, elle est toujours là, tout en affirmant la possibilité d'une invention biographique fondée sur une rupture miraculeuse, la nouvelle créature. Et par un ensemble de mécanismes, elle met en place les conditions pratiques pour que cette illusion fonctionne, pour que Dieu parle aux convertis, pour que Dieu régule cette tension et produise la transformation biographique. Ce qui fait que, quand ça marche, évidemment, le converti n'est jamais tout seul. Il apprend à partager avec Jésus ses pensées les plus intimes, ses projets, ses doutes. Il apprend à lire la Bible comme une parole pour soi. Il incorpore un ensemble de nouvelles dispositions éthiques et pratiques et devient capable d'entendre les réponses ou les interpellations que Dieu lui adresse en toutes circonstances. Le converti resté en ligne avec Dieu lui dit « Seigneur, aide-moi à avoir ton attitude envers cette personne ou cette circonstance. » Et lorsque l'enchantement fonctionne pleinement, les conseils qui lui sont prodigués par les pasteurs, les discours normatifs diffusés par les prédications et le contrôle social exercé par les frères et sœurs en Christ sont toujours reçus comme des messages de la part de Dieu. Donc comme une série de médiations entre guillemets invisibles qui fonctionnent à la fois comme des dispositifs de communication indirecte par lesquels transite une partie des réponses de Dieu et comme des dispositifs d'encadrement par lesquels l'institution et la communauté d'église interviennent objectivement dans le cadre subjectif de ce qui est vécu comme la relation personnelle avec Dieu. Alors je vais prendre un exemple. C'est l'exemple d'un membre des Assemblées de Dieu polynésiennes qui avait un projet de se lancer dans la culture hors sol de la vanille. Et donc avant de se lancer, il a demandé à Dieu ce qu'il pensait de son projet de vanille. Et voilà comment Dieu répond. Donc, lui, c'est une très bonne citation parce qu'il a fait la liste de toutes les médiations invisibles. Donc, Dieu lui a répondu à travers des messages, à travers la Bible, des prophéties, l'Église. Donc l'Église, c'est plusieurs fois des gens qui disent « fais ci, fais ça », le pasteur et les circonstances. J'ai eu ces quatre réponses, la Bible, l'Église, le pasteur et les circonstances. Donc j'ai su que c'était ça, maintenant je sais que je vais faire ça. Alors les messages dont il parle, ce sont des parlers en langue qui ont lieu lors du culte et qui sont suivis de ce qu'on appelle une interprétation, donc comprise comme la traduction en langage ordinaire du message transmis par Dieu. Traduction qui est assurée par un autre croyant dont c'est le ministère, donc quelqu'un qui est habilité par l'institution à le faire. Cette médiation invisible assurée par les interprètes concourt, comme les différents leviers du travail institutionnel, à conforter les croyants dans leur expérience subjective d'une relation personnelle avec Dieu. Les rappels à l'ordre ou les mots de réconfort qui sont généralement administrés par le biais de ces messages sont reçus comme des paroles pour soi, qui sont adressés par un Dieu qui connaît la situation de chacun. Alors je vais vous donner deux exemples représentatifs de ces deux registres. Donc le rappel à l'ordre. Mon fils, ma fille, tant de fois, je t'ai appelé au travers des circonstances de la vie. Je t'ai montré ma puissance par le Saint-Esprit. J'ai parlé à ton cœur. Par ma parole ce matin, je te révèle encore cela. Tu as endurci ton cœur. Tu sais que l'orgueil précède la chute, citation biblique, c'est dans les Proverbes. Je t'appelle encore ce matin, repens-toi, reviens vers moi pour ta vie spirituelle, pour ta vie de foyer. Mon cœur est triste de te voir, tant de fois je t'appelle, viens parce que je t'aime. Donc c'est signé Dieu. Et un exemple de parole de réconfort. Le Seigneur a les yeux sur toi ce matin, il voit que ton fardeau est vraiment lourd, tu ne sais plus où aller, l'avenir est bouché, tu as l'impression que tu es au bord du gouffre. Le Seigneur veut te dire qu'il te voit et que par toi-même tu ne peux rien faire. Lève les yeux vers lui, apprends à lui faire confiance, il est là pour t'aider, te soutenir, te montrer le chemin. Alors, donc tout en étant vécu comme une conversation intime, vous voyez que le dialogue avec Dieu intègre un certain nombre de ce que Goffman appelle des participants ratifiés, des co-religionnaires ou des pasteurs qui sont amenés à partager avec le croyant des sujets de prière et aussi et surtout à lui faire connaître les réponses de la part de Dieu qu'il pourrait au même recevoir dans la prière. Les prières dites en commun et le partage des requêtes de prière inspirées par un devoir de sympathie et de transparence encouragent évidemment la circulation des informations personnelles au sein de l'Église. Ce qui permet d'autant plus à Dieu de répondre aux situations individuelles à travers un contrôle communautaire subjectivement vécu comme un dialogue intime avec Dieu. La position institutionnelle du pasteur peut elle-même être interprétée en termes de compétences relationnelles, puisque le pasteur devient ce qu'Éric Neveu appelle un montreur de communication, quelqu'un qui va contribuer à la résolution des problèmes en assurant leur traduction en termes de déficit d'information, d'échange, d'écoute. Puisque c'est toujours Dieu qui répond aux prières, et c'est donc avec lui qu'il faut rétablir la communication, en maintenant à distance les mauvaises influences, la vieille nature, en rectifiant des comportements déviants ou en réglant des conflits du passé, en persévérant dans la prière et dans la lecture de la Bible. Donc, comme l'idéologie contemporaine de la société de communication, le pentecôtisme proclame que la communication est toujours la solution et qu'aucun conflit ne saurait résister à un dialogue ouvert et transparent. Et ce que l'institution s'efforce d'instaurer, c'est une relation personnelle avec Dieu qui soit suffisamment constante et transparente pour que l'ensemble du comportement individuel soit régi non plus par les dispositions acquises antérieurement à la conversion ou par les valeurs du monde, mais par la morale pentecôtiste. C'est la voix du Saint-Esprit qui traduit cette incorporation individuée de nouvelles normes, et la voix du Saint-Esprit, c'est plus que la conscience dans une vie, comme l'explique une femme des assemblées de Dieu polynésiennes. Le Saint-Esprit, il est là, et quand vous allez faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, il va vous montrer, vous prévenir que non, c'est pas comme ça. C'est plus que la conscience, le Saint-Esprit, dans une vie. Ça, c'est ma formule préférée. Donc, dans cette configuration idéale, le converti resté en ligne, c'est une formule que j'ai trouvée dans un manuel de formation à la vie chrétienne, donc le converti resté en ligne s'appuie sur un ensemble de dispositions stables et systématiques pour transformer son rapport au monde en y introduisant une médiation divine. Pour comprendre le fonctionnement concret de ce système d'interaction complémentaire, il faut revenir maintenant à ce que fait l'institution et regarder comment elle le fait. Lors des soirées d'évangélisation des assemblées de Dieu polynésiennes, par exemple, les personnes qui se sont avancées pour répondre à l'appel lancé par les prédicateurs, donc l'appel c'est « Veux-tu donner ton cœur à Jésus ce soir ?» ou « Ce matin, ça dépend. » Donc ces personnes font l'objet d'une imposition des mains et d'une prière. Elles sont ensuite orientées vers ceux qu'on appelle des conseillers, dont le rôle est d'amorcer la transition entre cette décision personnelle et l'entrée dans l'Église. Et la conciliation entre ces deux registres, elle repose sur une représentation de l'Église, non comme institution, mais comme communauté. Il s'agit de rejoindre des frères et sœurs qui ont vécu la même chose. Et il ne s'agit pas de se taper le culte et les réunions par toute la semaine, il s'agit de venir écouter la parole de Dieu. Voilà un exemple de ce qu'explique un conseiller. Quand une personne nouvelle a accepté Christ, elle arrive, on lui explique que ce n'est pas une religion qu'elle a acceptée, mais Jésus. On dirige sur la façon dont elle va continuer, on lui donne un Nouveau Testament, on lui donne un petit guide pour l'encourager à prier dans sa famille, ne pas hésiter à appeler des frères et sœurs s'il y a des questions ou des besoins, pour qu'ils puissent t'aider, venir écouter la parole de Dieu. Les dispositifs formels de formation mis en œuvre par les églises pentecôtistes permettent d'observer encore plus précisément la forme que prend le travail de l'institution, les mécanismes de la conversion comprises comme un enchaînement de transformations subjectives. Comme l'a noté Omri Elisha à propos de la sociabilité évangélique, ces dispositifs privilégient des formes de sociabilité immersive et un modèle de dépendance mutuelle. Ils mettent en œuvre une pédagogie d'accompagnement au sein de petits groupes où une socialisation méthodique vise à faire connaissance, c'est-à-dire apprendre à se connaître, à reconnaître l'action et la voix du Saint-Esprit et faire l'apprentissage de la morale pentecôtiste en entrant dans une relation intime et transparente avec trois types d'interlocuteurs, Dieu évidemment, mais aussi les membres du groupe et le mentor qui anime le groupe. Alors je me suis particulièrement intéressé au programme INSTE, c'est Institut de théologie par extension, un programme de formation du disciple qui est diffusé par le réseau international Open Bible Standard Churches et qui était utilisé systématiquement par les assemblées de Dieu de Polynésie française dans les années 2000 pour socialiser les nouveaux membres d'église. Le projet de ce programme, c'est, je cite, « d'aider à développer les attitudes et le savoir-faire, les jugements de valeur, les bonnes habitudes et la connaissance qui doivent caractériser un disciple de Christ ». La formation dure 2 ans et elle vise à apprendre aux élèves d'abord à être, puis à savoir pour pouvoir faire, c'est-à-dire devenir un ouvrier au service de l'Église. Donc vous avez les trois étapes. Être sera caractérisé par les signes d'une maturité spirituelle dans sa vie relationnelle, dans sa connaissance de soi et dans le sens des valeurs et de ses attitudes. Savoir, il saura quel est son don spirituel, donc sa place dans l'Église en fait, hein, et témoignera d'un niveau satisfaisant de connaissances bibliques et doctrinales. Et enfin, faire, en ayant acquis tout ça, et avec la fidélité à l'Église, il sera utile à son Église. Donc on voit que c'est bien le point de vue de l'institution qui inspire le programme. Il s'agit de s'assurer la fidélité des membres, de distribuer les dons individuels, donc les tâches, et d'organiser le travail pour l'Église. Mais cette étape du faire, elle ne peut être mise en œuvre qu'après l'incorporation d'un ensemble de dispositions morales et pratiques qui inscrivent le croyant dans la relation personnelle avec Dieu. Donc après une série de leçons qui sont centrées sur la lecture de la Bible et la manière de la mettre en pratique, la formation aborde les qualités qui caractérisent le disciple, c'est-à-dire avant tout l'aptitude à s'en remettre à la médiation de Dieu. Le disciple doit apprendre à voir comment, je cite, « Dieu est en train d'œuvrer dans un domaine » et il doit, je cite encore, « être obéissant à son plan sans chercher à essayer de résoudre nos problèmes par nous-mêmes ». Il doit aussi faire preuve de tempérance, une vertu qui a un rapport avec le contrôle de l'Esprit-Saint sur tes besoins physiques, par exemple, dans tes relations avec ceux et celles du sexe opposé, ceux de ton entourage, voit-il que tu es maître de toi ? Leçon 9, deuxième jour. Le programme INSTEE considère que toutes ces dispositions s'acquièrent par contagion, et donc la relation et l'instruction vont de pair. Hop. Ce n'est pas une conférence donnée par le professeur, c'est plutôt l'occasion de réfléchir avec les membres de ton groupe et le responsable sur les sujets de la leçon et de s'encourager les uns les autres pour comprendre les relations qu'il y a entre les notions étudiées, la vie et le ministère de chacun. Et dès le 14e jour de formation, le mentor attribue à chaque membre du groupe, donc une dizaine de personnes en moyenne, ce qu'on appelle un partenaire de croissance spirituelle. Donc, entre partenaires de croissance spirituelle, ils s'informeront de leurs progrès réciproques, ils s'encourageront et s'aideront mutuellement à surmonter les obstacles qui peuvent surgir. Ils prieront ensemble en partageant leurs requêtes de prière et aussi leurs exaucements. Ils s'encourageront mutuellement dans l'accomplissement des cours INSTEE et se donneront des conseils opportuns dans le but de mettre à profit les cours. Là, on est au troisième jour. J'avais dit quatrième. Bon, pas grave. L'un des effets de cette socialisation est de créer des liens durables entre les membres du petit groupe et surtout entre les membres du groupe et le mentor. Ce mentor, il est choisi par le pasteur de l'Église, il est donc le représentant de l'institution, mais il fonde sa légitimité aux yeux des élèves sur la proximité avec ses élèves et sur ce qu'on appelle un témoignage personnel, donc une forme d'exemplarité. Le mentor, il est là pour s'assurer de la conformité des dispositions des élèves, mais son autorité est vécue sur un registre personnel et amical. Alors ça, c'est pour le pentecôtisme classique. Et comme je disais en introduction, on pourrait penser que ce principe du travail institutionnel invisible, il est moins prégnant quand on s'éloigne du pentecôtisme classique, où malgré tout, l'Église reste quand même un cadre de référence. Pour s'intéresser au courant charismatique, c'est-à-dire des courants qui sont issus du pentecôtisme, mais qui se sont affirmés à partir des années 1980 comme une alternative à la vie d'église traditionnelle, avec un credo anti-institutionnel et en prônant une plus grande autonomie individuelle. Je vais prendre l'exemple des écoles de formation des disciples, qui correspondent au sein du réseau charismatique Youth with a Mission, au niveau de formation initiale. Ces écoles, elles accueillent plus de 10 000 jeunes par an et elles ont pour objectif, là aussi, de former un caractère chrétien. Elles s'adressent a priori à des jeunes qui souhaitent entrer dans la carrière missionnaire, donc qui sont déjà, entre guillemets, convertis. Mais dans les faits, compte tenu notamment de la grande variabilité des parcours religieux des étudiants, ces écoles fonctionnent avant tout comme un dispositif de conversion. Et elle constitue la clé de voûte de l'organisation de cette organisation, de l'organisation de Youth with a Mission. Elle vise à inculquer à ces jeunes des dispositions personnelles qui sont ajustées à un système d'interdépendance structuré autour de relations personnelles qui s'établissent entre ceux qu'on appelle les équipiers, donc les juniors en macronie, et les leaders, toujours en Macronie, ça marche, autour de vision, et le troisième. Alors normalement, les visions, ce sont des projets considérés comme inspirés par Dieu, mais peut-être que c'est justement ce que veut nous dire Macron. Bref, ce mode de fonctionnement repose sur l'instauration d'un ensemble de relations, là aussi, avec Dieu, avec le responsable d'école ou mentor, qui selon les documents officiels de l'organisation doit incarner les valeurs de Youth with a Mission dans son enseignement et ses interactions avec les étudiants, être à la fois qualifié et, je cite, pas très loin des étudiants en âge et en expérience. Et ensuite, relation entre les étudiants qui apprennent pendant ces 6 mois de vie communautaire intense à partager les corvées quotidiennes, vaisselle, ménage, etc., les prières, les confidences, y compris lors de séances de confession publique. Henri Brouard, qui a pu observer en immersion les interactions au sein d'une école de formation des disciples à Taïwan, souligne le rôle majeur que joue l'instauration de ces relations dans la stabilité et la cohérence d'un réseau missionnaire qui est par ailleurs très flexible et évolutif. La relation entre le mentor et l'étudiant autorise une supervision des sentiments, des opinions et des projets personnels sur le registre d'un partage amical vécu comme l'expression de l'amour de Dieu. Donc, il est beaucoup question d'amour de Dieu. Et Henri Brouard remarque que les étudiants apprennent au fur et à mesure de leur formation à reconnaître les règles qui leur sont imposées comme des intentions d'amour et de responsabilité à l'image de l'amour paternel que la divinité chrétienne porte sur les hommes. Tout le discours autour de ces écoles est marqué par des références à ce type de psychologie chrétienne centrée sur la notion d'amour. Le mentor est le médiateur de cet amour et il participe à une entreprise de soi par laquelle l'étudiant construit progressivement son identité et son projet de vie chrétienne à partir du potentiel, des défis et des visions qui sont validés par le mentor. On est donc dans un univers qui a de fortes affinités avec l'idéologie du sujet néolibéral, dans lequel il s'agit de construire un sujet supposé autonome et où la notion de vision est en fait une déclinaison religieuse, ici, de la culture du projet dominante au sein du capitalisme contemporain. Alors, comme dans les églises pentecôtistes, on retrouve ici un dispositif institutionnel qui rend ses propres interventions invisibles en apprenant à chacun comment reconnaître et entendre la voix de Dieu dans les enseignements qui sont dispensés, les conseils et les remarques des coéquipiers et des leaders. Tout le discours associant relations personnelles avec Dieu, culture de projet et psychologie contribue finalement au fonctionnement d'une organisation en réseau où la validation des initiatives individuelles s'opère par le biais d'une sorte de main invisible qui est à la fois celle de Dieu et celle du marché. Puisque les missionnaires de Youth with a Mission sont en fait des auto-entrepreneurs qui ne sont pas salariés par l'organisation et qui doivent constituer par eux-mêmes des réseaux de soutien. Donc ce sont des réseaux de relations interpersonnelles qui leur permettent de monter des projets avec la collaboration d'autres équipiers et surtout avec la validation de leaders qui sont déjà reconnus. Ce sont ces réseaux aussi qui leur permettent de financer leur activité missionnaire, le plus souvent grâce à leur famille, en particulier les Français. Les Français, ils n'ont que la famille pour se financer. Les Américains, ils ont les amis, les sympathisants de Youth with a Mission et les églises locales. Et cette précarité renforce la notion de prise de risque, qui est vécue comme une condition inhérente à toute aventure, entre guillemets, authentique, et comme l'expression d'une capacité personnelle à s'en remettre à Dieu. Mais le point essentiel est que cette précarité financière, qui pourrait a priori fragiliser l'organisation, est en fait son plus solide fondement, puisque c'est sur elle que repose le système d'interdépendance et d'autorité mis en œuvre par Youth with a Mission. Et tout équipier a dans son parcours une histoire miraculeuse où Dieu intervient in extremis pour soutenir un projet qui paraissait compromis par manque d'argent. Donc je prends un exemple d'un équipier polynésien qui décrit très bien cette mécanique des interventions providentielles tel qu'il l'a expérimenté quand il était en école de formation à Hawaï. Donc pendant cette phase Donc les trois premiers mois de la formation, c'est la phase pratique. Après, il y a... Non, les trois premiers mois, c'est la phase théorique. Et les trois mois suivants, c'est la phase pratique. Donc ils vont sur le terrain et il faut qu'ils se financent le voyage. Donc c'est ce qu'il dit, tu dois demander pour les finances, c'est toi-même qui payes ton avion. J'avais beaucoup d'argent quand j'étais là-bas, mais le Seigneur m'a dit, il faut donner tout ça. Tu vois cette sœur là-bas, elle a besoin de ça, alors je donne. Ce frère, je donne. Et que le Seigneur te bénisse. Et après ça, plus rien. Seigneur, maintenant tu vas me donner, tu dois me donner. J'ai tout donné, je t'ai obéi. Et tu sais quoi? Miracle, des personnes qui viennent et qui pourvoient à tes besoins. Ça c'est beau, ça c'est l'habitus. Les équipiers donc apprennent à donner pour recevoir, à s'en remettre à la main invisible de Dieu qui repose concrètement, comme chez l'économiste Adam Smith, sur une série de dispositifs, de forces sociales, comme disait Adam Smith, en l'occurrence des coéquipiers ou des donateurs qui partagent les mêmes dispositions et un système d'autorité fondé sur des relations d'interdépendance. Le succès de cette collecte individuelle de soutien traduit en effet une intégration réussie au sein du système. Il indique que le projet entre dans le cadre fixé par les valeurs et les objectifs de l'organisation. La construction de ce capital social et financier, qui dépend évidemment des capitaux que vous avez en entrant dans l'organisation, valide symboliquement la vocation, l'appel, qui fonde la légitimité d'un engagement missionnaire. Et à l'inverse, celui ou celle qui ne parvient pas à rassembler un réseau de financement suffisant pour soutenir ses projets sera invité à se remettre à l'écoute de Dieu, comme on dit, voire à renoncer à l'aventure missionnaire. Donc j'en arrive à ma conclusion. On voit bien avec cet exemple de formation de Youth with a Mission, peut-être encore plus clairement que dans le cas des églises pentecôtistes, ce que l'analyse des dispositifs religieux qui ont en charge la transformation biographique des convertis peut nous apprendre à propos d'évolution sociale plus générale. Comme on le verra tout au long de la journée, ces dispositifs ont beaucoup en commun avec d'autres qui relèvent de l'action sociale, de la psychologie, du coaching, du développement personnel ou de toute une série de mécanismes d'accompagnement personnalisé qui participent d'une reconfiguration des modes d'autorité et d'institution. De ce point de vue, les dispositifs que j'ai évoqués incitent en premier lieu à réexaminer un certain discours de la modernité qui a beaucoup insisté sur l'autonomisation des individus et la désinstitutionnalisation ou le déclin des institutions, notamment les institutions religieuses. Évidemment, ce discours est en grande partie fondé sur des faits empiriques qui décrit en tout cas assez bien l'évolution des régimes de légitimation et d'expérience subjective. Mais il y a aussi une facilité qui consiste à prendre au pied de la lettre ce que disent les acteurs eux-mêmes sur cette autonomie individuelle et ces identités choisies, pour mieux entretenir une double illusion, celle d'une autonomie du religieux vis-à-vis du social et celle d'une disparition des rapports de pouvoir, voire de toutes les formes sociales de domination. On nous explique par exemple que la seule contrainte serait désormais la contrainte d'être soi-même, d'assumer ses choix dans un contexte social où plus rien ne va de soi. Et que les plus fragiles, ceux qui sont incapables de survivre aux exigences de cette modernité, eh bien, ils cherchent refuge dans les émotions collectives, la régression communautaire ou la soumission à l'autorité charismatique. Donc c'est comme sur les autoroutes, quand il y a des grandes pentes, vous avez des voies de secours pour éviter de rouler jusqu'en bas. Pour ce qui concerne les mouvements pentecôtistes charismatiques, je suis convaincu que cette histoire d'autorité charismatique est une fausse piste. C'est même très souvent une sortie de piste, puisque ça conduit à considérer qu'il n'y a en fait plus grand-chose à étudier, puisqu'il n'y a plus, selon ces théories, que des individus, des émotions supposées irrationnelles et des leaders supposés charismatiques. Il me semble qu'il serait plus pertinent de réfléchir à une possible redéfinition de l'institution, en s'éloignant d'une définition strictement weberienne qui lie institutionnalisation, rationalisation et bureaucratisation, pour s'intéresser plutôt à l'articulation proposée par Bourdieu entre l'institution comme réalité objectivée et réalité incorporée qui existe dans les esprits autant que dans les choses, et en adoptant une définition plus large du type de celle proposée par Offerlé et Lagroix qui considèrent que un système de relations, qu'il prenne la forme d'un dispositif ou d'un groupement, relève d'une analyse par la sociologie des institutions, s'il est réglé et non laissé au hasard des recompositions et des arrangements circonstanciels entre individus, si les conduites de ses membres sont au moins pour partie déterminées durablement par leur appartenance à ce groupe, si la préservation des règles et des savoir-faire qui le caractérisent est un enjeu important pour ceux qui ont affaire à lui, et si des mécanismes d'encadrement et de contrôle des pratiques sont effectivement organisés. Je vous remercie.